Oscar bat gorago lehiatzeko jokolari kopurua emendatu du Angeluk beste taldeak erreferentziatzat hartuz. 24 jokolari dira orain eta 4 atezain, kasik denak amaturak, Cédric Pardeillan Joneteko trebatzailea. Il y a deux joueurs qui ont un contrat fédéral qui peut être estimé un contrat trop, mais c'est du tiers temps. À le reste du temps, ils sont sur un travail à côté. Beste aldaketa nagusia gertatu da bidaien aintzin konduetan, 7 aldiz joanen baitira Frantzia egoeki alderat eta 6 aldiz Auvergne-Rhône-Alpes eskualdera. Multzuan, Toulon, Cannes edo Istres bezalako talde gotiorrak kausi daitezke, leheno lig bat mailan aizan direnak, talde profesionalik ez bada ere, horien lan erritmoa dutela azpimarratzen du Cédric Pardeillanek. Alors, des clubs professionnels non, mais qui vivent comme des professionnels, oui. Ils ont que des joueurs qui sont au service du club, en permanence, peuvent s'entraîner le matin, l'après-midi. Je pense même tous les clubs de notre poule fonctionnent comme ça. Baina ez pentsa azken lekuetan borrokatzeko zela iratuko direla angeluarrak. Kolektiboaren indarrian sinesten baitu trebatzaileak. L'objectif du club, c'est de pérenniser le club en National 2. Et pérenniser le club, c'est finir la meilleure. Bio taldearen helburua dela National bian egonkortzia, leku on batian bururatzeko egin alafite. Bien sûr que c'est un objectif principal, entre guillemets, mais on veut l'atteindre le plus vite possible. Mailaz kanpoko jokolari franko ez badute ere, talde bat badutela, maila izigarri honeko jokolari ainitzekin azpimarratzen du eta horrek esperantza emaiten diela dio. Joan den larun batean, lehen egunakari 0 eta bat galtzen ari ziren pausan angeluarrak eta bigarrentzatean, maila hortan trebediren angulemekoak baino gehiago izan dira fisikoki, azkenean berdinketaren erdiesteko, larun batean zergatik ez, sorpresaren sortzeko sedez zela iratuko dira Fréjus Saint-Raphaëlen.